Boum boum boum. Boum boum boum. Musique française. Des années 60 à 80. Boum boum boum. Musique française curieuse tous les mercredis soirs de 22h à 23h sur Prune 92 FM. Ce soir, c'est notre 199e podcast. La semaine prochaine, ce sera donc le 200e, un bel anniversaire. On a une petite surprise à vous proposer pour l'occasion. On communiquera très vite sur notre page Facebook. Mais d'abord, ce soir, 199e épisode de Boum Bomo, donc, avec Tonini, un digger et un DJ de Nantes exilé à Bruxelles, en Belgique, depuis 2 ans. Tonini, qui nous a préparé une sélection dance floor largement influencée par le disco, l'italo et l'euro house. Pour son premier passage dans l'émission. On est avec lui jusqu'à 23h. On se retrouve la semaine prochaine pour notre anniversaire. Bonne écoute. Je vis dans ma tête anormal. Je rêve fou, parapsychal. Je suis sous le bancal, piédestal, marital. Je vis pas la fête patronale. Je suis moulure végétale. Je suis roulure bacchanale. J'ai perdu, perdu pédale. Où est mon vélo? Les gens sont bêtes et bestiales, sont les femmes fatales. Je paie ma dette ancestrale, mes sous sont au tribunal. Le juge a dit carcéral, c'est ton lot original. Où est mon vélo? Oh.

précise. We'll be right back. s'efface, pressé par le temps qui passe. Quand monte au loin, dans une rumeur, le chant du très vieil indien. Fou d'aventure, respecter le destin. Je veux te garder près de moi. Dans mon cœur, pas la gueule, remets pas ça. Fais pas la gueule, ne fais pas ton cinéma. Fais pas la gueule et souris-moi. Je ne suis pas un superman, je m'en vends l'air dans cette galère, même si je t'aime à ma manière. Bien sûr tu n'es pas la plus belle, tu passes ton temps à faire la gueule, mais toi tu craches dans mon Tequila. Quel corps tu as? C'est Nirvana. de Lolo, tequilana. Bois de Lolo, tequilana. Bois de Lolo, tequilana. Bois de Lolo, tequilana. Bois de Lolo, tequilana. Bois de Boulogne est toujours pleine. Les petits canards retrouvent le lac et les poules vont trouver leur mac. Les flics se refilent le mot de passe et les premiers coureurs se massent. Le patchouli des favelas laisse place au parfum des sous-bois. C'est la relève du matin, c'est l'heure des transports en commun. C'est la relève du matin, c'est l'heure creuse pour le petit câlin. C'est la relève du matin, c'est l'heure des transports en commun. Toujours plein. Et le bois de Boulogne est toujours plein. se dire adieu, que mon banal est très vieux, j'envole. Pas de vraie destination, je prends le premier avion, je m'envole. Je déciderai là-haut, si c'est New York ou Rio, l'importance. Sous la pluie ou le soleil, quand on est seul, c'est pareil, une absence. J'ai préféré m'en aller, qu'une fois de plus essayer de comprendre. Quand on sent que c'est la fin, et que l'on n'aura plus rien à attendre. À notre époque, il vaut mieux se faire une raison ou deux. Qui souffle l'été sur les plaines. Le temps de se dire adieu, des mots banals et très vieux, je m'envole. Je m'envole. Pas de vraie destination, je prends le premier avion, je m'envole. Je m'envole. Si j'ai eu raison ou pas, c'est l'avenir qui pourra. Aujourd'hui, je n'emporte que ma vie, je m'envole. We'll be right back. Viens, quittons ce pays. Viens, allons loin d'ici. Viens vers le paradis. Allez, viens, viens, viens, viens, viens. Nous perdons du temps. Viens, la vie nous attend. Viens, toi que j'aime tant. Allez, viens, viens, viens. Partons vers la lumière, partons vers les beaux jours. Partons au bout de la terre pour abriter nos amours. Oh, oh, oh, oh, viens, laissons tout tomber. Viens, laisse-toi tenter. Viens, laisse-moi t'enlever. Allez, viens, viens, viens. Des jaloux, viens, nous oublierons tout. Viens, l'avenir est à nous. Allez, viens, viens, viens, viens. Allez, viens, viens. Yeah.